Sale. Right now, save 50% on the Sleep Number 360 Limited Edition Smart Bed. The bed's so smart, it senses your movements and automatically adjusts to keep you both comfortable all night long. So save 50% on the Sleep Number 360 Limited Edition Smart Bed today. Hurry. Free delivery and special financing on all smart beds through Labor Day. Special financing subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See sleepnumber.com for details. Et pourtant ça j'en suis certain, souvenir, souvenir, tout resterait mes copains. It brings big to my eyes when I began to realize that I've cried so much, oh, since you've been gone. I guess I

elle ressemblait à un bâton. Oh, oh. Elle fit une cure sans demi-mesure, elle est plus ronde qu'un ballon. Le sirop typhon, universel, le panacée, eh, eh, à la cuillère, ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Monsieur le maire avait des misères, dans ses discours il bégayait, eh, eh, un petit verre lui fut salutaire, il ne bégayait plus car il aimait. Monsieur Léon, pom, pom, pom, pom, si gentil et si rond, patapon, patapon, ne gagnait jamais au tiercé. Eh, eh, une cure sévère lui fut salutaire. Il est gagnant, mais comme joker. Du bon, du bon, le sirop qui font, qui font, qui font, universel, le panacé, eh, eh, à la cuillère. Pierre était célibataire et voulait le rester longtemps. Oh, oh. Il but un verre, puis un autre verre. Il a 10 femmes et 30 enfants. Dans le village, tous les enfants sages, écoutant les cloches sonner. Qu'un mage venu des nuages du bon sirop va leur universel, le panacée, eh, eh, à la cuillère, ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. I'm sorriso è un miracolo d'amore che si avverrà in questo istante per me che non amo che touched my hand, I knew that near him I always must be, and nothing can keep him from me, he is my destiny. I love him, and where he goes I'll follow, he'll always be my true love, from now until forever, I will follow him. Sixties, 24 sur 24. Nostalgie 60. Nostalgie. Des arbres géants, couverts de fleurs de sang, rampe vers moi. Je voudrais fuir, mais je ne peux pas. Je pousse un grand cri. Je me réveille dans mon lit, mes mains tremblent, je n'y peux rien, j'ai peur de la nuit. Mais un éclair, je tombe comme une pierre. Je me lève d'un bond, quelqu'un frappe au plafond. J'ai dû crier, je n'y peux rien, j'ai peur de la nuit. Je respire enfin et la vie me revient. j'aime rien, j'ai peur de la nuit. Oh, oh, me, oh, sorrow's heaping around my head. It's been heard and it's been said that you tried to date another guy. Didn't hide, didn't even try. Cheating me with lies again, making me remember when I used to hold you by the side tight each night. That's right, I could have hoped that maybe you might fall upon me. Oh, how I, your voice inside of me, sit and cry. This was meant to be love's unkind and love's true. Oh, why did love pick out you for me? For me, for me, for me. By the sunlight each night. That's right, I kind of hope that maybe you might fall upon me. Oh, how I, your voices say to me, sit and cry. This was meant to be love's unkind and love's true. Oh, why did love pick out you for me? For me, my heart, you're shaking my confidence daily. Nostalgie 60. La décennie de vos plus beaux moments. Nostalgie. Every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, your hand resting in mine. La radio de vos années préférées. Oh, flan chèque you get to pass up. With some samba shiny mug. Who you get away samba? Este samba que me estou de maracatu. E samba je preto veio. Samba je preto do. Mas que nada. Samba como está tão legal. Você não vai querer. Chegue no final. Oh, ari, ai, oh. Pa, pa, pa. Oh, oh, ari, ai, oh. Pa, pa, pa. Hey. Pa, pa, pa. Nostalgie. Il est 21h.